Ton amour a changé ma vie. Sans toi, je n'étais plus rien. Mais le jour où mes yeux mes amis.